Au sport. Dans la Ligue de soccer Benjamin masculine Division 2, trois parties pour Louis-Saint-Laurent le 19 avril. Les adversaires, École Triolet à 9h, le Mont-Saint-Anne à 10h15 et le Séminaire de Sherbrooke 1 à 12h15. Dans la Ligue de soccer cadet masculine Division 3, Louis-Saint-Laurent est à Magog pour trois rencontres. Les adversaires, la Frontalière à 12h45, la Ruche à 15h15 et la Poudrière à 16h30.